sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller de plus en plus nombreux avec France Culture et avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. C'est tous les jours de la semaine à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Nous sommes le mercredi 23 mars et depuis lundi, Julie Pilorger nous raconte les femmes, le statut des femmes en France au Moyen-Âge. C'est notre série de la semaine, les femmes du Moyen-Âge loin des idées reçues. Dans un instant, le troisième épisode, femmes d'honneur et honneur des femmes au Moyen-Âge. En deuxième partie, comme tous les mercredis, l'actualité cinéma. Je reçois le réalisateur libanais Rassan Salhab. Son dernier film, La Vallée, sort aujourd'hui. Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues. Une série avec la médiéviste Julie Pilorger. Bonjour Julie Pilorger. Bonjour. Aujourd'hui, troisième épisode, femmes d'honneur et honneur de femmes au Moyen-Âge. On va parler du pouvoir qu'avaient les femmes au Moyen-Âge. Oui, on va parler de leur agency, c'est le terme très technique qu'utilisent actuellement les historiennes du genre, notamment anglo-saxonnes, pour parler de ce pouvoir des reines, notamment, et des femmes issues de l'aristocratie. On utilise également le terme de queenship. Donc on a véritablement forgé, et ça c'est intéressant, des termes spécifiques pour parler du pouvoir féminin. On n'utilise pas les mêmes termes que pour le pouvoir masculin, notamment parce qu'il existe... dans les cas de prise de pouvoir donc des reines, trois terminologies qu'on retrouve au Moyen-Âge. Il y a la question de la régence. En cas de décès du prince, et si l'héritier est mineur, il est alors placé sous la tutelle de sa mère. Il y a la lieutenance, lorsque le prince délègue volontairement une partie de son pouvoir à sa femme pendant son absence. Enfin, il y a la vice-régence. Alors, c'est la même chose. Donc, le prince délègue son pouvoir en cas d'absence. Mais cette fois, c'est la mère du prince et non sa femme qui prend donc le pouvoir en son absence. On retrouve tout un... En tout cas, l'importance de la représentation des femmes, des bourgeois, des notables, des villes donc du Moyen-Âge. Là, on est vraiment dans le milieu, dans le monde des villes, car effectivement, c'est là que la place de la femme va le plus s'épanouir. Ainsi, on va voir dans les sources la présence de vidames. Les vidames, c'est la femme du vidame, le vidame étant un auxiliaire de l'évêque, de l'abbé qui agit dans le monde. On va retrouver également le terme de mairesse, de bailleresse. Alors, il est très, très compliqué de définir exactement le rôle de ces mairesses, de ces bailleresses, mais il est évident à mon sens que si on a pris la peine de féminiser le terme, c'est qu'il y avait un rôle derrière cela, en tout cas, de représentation importante. Et on voit effectivement souvent que des cadeaux sont offerts à l'occasion de processions urbaines à ces mairesses, à ces bailleresses. Alors, pour services rendus, j'imagine, mais c'est pour des services rendus à l'économie, à l'effort de guerre, ou juste pour des raisons religieuses. Alors, je pense que ça peut être aussi des services rendus dans le cas de négociations. On attribue aussi beaucoup le rôle des femmes au Moyen-Âge, celui de pacificatrices. Donc, ça peut faire, je pense, référence à ça. En tout cas, on a également le cas pour la vidames, de longues lettres échangées à propos parfois de procès, donc un rôle de conseil plutôt. Après, si on descend encore un cran, on a le cas de participation de femmes pour le bien, le profit de la ville, donc à la défense notamment d'une ville. Ce sont les porteurs. Et là, c'est des raisons économiques ou morales? Ou les deux? Les porteresses de lettres et les messagères, je ne sais pas. Honnêtement, on connaît leur présence, mais on a encore beaucoup de mal à vraiment identifier leur origine, le rôle. Les porteresses de lettres, dans le nord de la France, semblent avoir été, selon certains historiens, parce qu'il est vrai qu'elles n'agissent qu'en période de troubles, on trouve beaucoup au moment de la guerre de 100 ans, semblent avoir agi comme espionnes. En fait, elles auraient aidé à faire passer des messages en temps de guerre, car eh bien, on soupçonnait moins effectivement une femme de porter un message dangereux. Donc ces porteresses, ces messagères de lettres sont récompensées donc pour leurs efforts et on retrouve vraiment cette expression qui est pour moi très intéressante, pour le bien et profit de la ville. On a également le cas de femmes, alors de l'aristocratie, mais parfois de la paysannerie comme Jeanne d'Arc, hein, qui vont s'exercer aussi dans les faits d'armes, donc qui vont prendre les armes. C'est Sophie Cassane-Bouquet, qui est professeure à l'Université de Toulouse-Le Mirail, qui a travaillé sur cette question des chevaleresses ou chevalières qu'on trouve dans les sources. Donc je reviens pas sur le cas de Jeanne d'Arc, je signalerai juste au passage que beaucoup de films ont été consacrés à Jeanne d'Arc. J'organise moi-même un festival de films, de films à propos du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge a donné lieu donc à de nombreuses créations cinématographiques. On a l'exemple des filles au Moyen-Âge de Hubertville récemment. Mais donc Jeanne d'Arc, il y a Méliès en 1900, il y a La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer en 28, Victor Fleming en 48, Roberto Rossellini, Luc Besson, Jacques Rivette, etc. Et Robert Bresson aussi. Robert Bresson également. Philippe Ramos, dernier en date en 2011. La dernière fois qu'on en parlait, c'était pour la version de Victor Fleming. Voilà. Donc, j'ai pas donné la liste exhaustive, sinon on prendrait trop de temps. Mais effectivement, c'est assez important. Récurrent. Hein. Voilà. Chaque époque ramène une autre vision de Jeanne d'Arc. Et on voit qu'il y a vraiment cette focalisation sur la femme guerrière, la chevaleresse. Et je voudrais citer justement d'autres Jeanne guerrières célèbres. Il y a Jeanne de Flandre, qui est évoquée par Froissart. Jeanne de Flandre, comtesse de Bretagne, donc épouse du duc de Bretagne, qui au XIVe siècle, pendant la guerre de succession qui déchire la Bretagne, va, nous dit Froissart, monter sur un bon coursier, cheval, et tenir un glaive moult roide et bien tranchant, tout armé de corps. On a aussi l'exemple d'Agnès d'Écosse, qui, après la rébellion de son époux contre les Anglais, également au XIVe siècle, dans la première moitié du XIVe siècle, défend son château de Dunbar, qui est alors donc assiégé par les Anglais, et le comte de Salisbury. Alors, quand vous dites femme d'honneur et honneur de femme au Moyen-Âge, vous faites allusion à quoi au juste, Julie Pilorger ? Alors, pour femme d'honneur et honneur de femme, je voulais évoquer la question des reines, des très grandes reines quand même qui ont marqué le Moyen-Âge. Si on commence au haut Moyen-Âge, alors il y a la figure de reine, il y a les deux, il y a parmi les reines notamment de l'époque mérovingienne, la figure de la douce reine Clotilde, hein, qui va pousser son mari à la conversion, et à l'extrême inverse, on a Frédégonde et Brunehaut, qui pendant la Fède qui traverse la fin du VIe siècle, Grégoire de Tours raconte cela en détail, vont s'entre-déchirer autour donc de leurs maris respectifs. Elles sont belles-sœurs. Et donc là, c'est vraiment la reine noire qui est dépeinte. Si on avance dans le temps, il y a les célèbres. Il y a une image plus positive de la reine, à qui on va déléguer plus de pouvoir, notamment à partir du XIIIe siècle, avec Blanche de Castille, qui est mère de Louis IX, Saint-Louis, qui obtient la régence du royaume pendant la minorité de son fils, puis sa vice-régence lorsque celui-ci partit en croisade. Il y a aussi Jeanne de Bourgogne, qui en 1338 obtient la lieutenance du royaume donc par son mari Philippe VI de Valois, qui est engagé dans la guerre de Cent Ans et qui se bat alors sur tous les fronts. On peut encore citer Isabeau de Bavière, qui joue également un rôle politique d'importance lors des crises de folie de son roi et donc mari Charles VI. Donc on a la question donc de l'agency et des femmes, du pouvoir des femmes au Moyen-Âge, et d'ailleurs l'un des premier pôle étudié par les historiens du genre. C'est les grandes recherches des années 90 et début 2000 sur la question du pouvoir de ces reines. Les reines de Castille également, qui sont étudiées actuellement à l'occasion d'une belle thèse par Annabelle Marin, qui est également une de mes collègues à la Sorbonne. Les reines de Castille ont pu exercer un rôle d'importance. On pense notamment à Isabelle la Catholique, héritière du royaume de Castille, qui avec son mari Ferdinand d'Aragon achève la Reconquista, hein, sur les musulmans. Et c'est elle notamment qui apporte en premier son soutien à Christophe Colomb dans ses expéditions. À un échelon inférieure. On trouve également des duchesses d'importance. Anne de Bretagne, héritière eh bien, du duché à la mort de son père en 1488, qui devient par la suite reine de Charles VIII puis de Louis XII, mais également les femmes de la maison d'Anjou hein, qui ont eu un rôle d'importance. Marion Chêne a beaucoup travaillé là-dessus, puisque leur mari, qui est également implanté donc, dans le royaume de Naples, hein, les Angevins exercent une grande importance dans le royaume de Naples à la fin du Moyen-Âge, se sont retrouvées, donc ces femmes, à de nombreuses reprises, à exercer des lieutenances qui témoigne aussi bien de la capacité des femmes à gouverner politiquement tout autant que les hommes. Est-ce que je peux conclure cet épisode, Julie Pilorger, en disant que ce sont les guerres médiévales qui ont donné plus de statut aux femmes ? C'est tout à fait vrai, puisque que ce soit d'un point de vue donc de la participation militaire de ces dernières, quand on pense aux chevalières, du rôle qu'elles ont pu jouer dans la circulation de l'information ou en termes de gouvernement effectif politique, c'est effectivement les guerres et les conflits de manière générale qui ont permis en tout cas aux femmes d'obtenir un rôle politique. Et qu'est-ce qui se passe en temps de paix ? Eh bien, en temps de paix, effectivement, on entend beaucoup moins parler d'elles. Ça ne veut pas forcément dire, à mon sens, qu'elles ont moins de pouvoir. Elles peuvent sûrement intervenir également dans les décisions. Mais en tout cas, les sources, et c'est ça aussi sur quoi il faut insister, puisque les sources médiévales ont un caractère très androcentrique. Elles sont rédigées par des hommes à l'intention des hommes. Donc, effectivement, en temps de paix, eh bien, on parle un peu moins des femmes. Est-ce que les femmes, Julie Pilorger, étaient honorées, décorées, reconnues comme telles après des batailles? Est-ce qu'elles avaient un poste? Est-ce que dans la hiérarchie de la société médiévale de l'époque, elles commençaient à grimper les échelons? Non, parce que là, ça pose la question de l'institutionnalisation, ce qui va d'ailleurs provoquer hein, quelque part le retrait des femmes sur l'espace privé à l'extrême fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. La question de la reconnaissance et de l'institutionnalisation du pouvoir féminin, que ce soit un pouvoir d'ordre politique, comme on l'a évoqué ici, d'ordre militaire, mais également économique dans la vie de tous les jours, pose beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que les femmes souffrent d'une reconnaissance, ce qui a longtemps fait dire aux historiens qu'elle n'apparaissait pas dans les sources. Et d'ailleurs, c'est une idée qui perdure encore, parce que moi-même, quand j'ai commencé ma thèse, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, on m'a dit que je ne trouverais rien dans mes sources du nord de la France, puisqu'il n'y avait pas de femmes. Elles sont là, mais effectivement, il faut savoir les chercher, car elles s'accèdent très rarement en fait, à la reconnaissance et à l'institutionnalisation qu'elles mériteraient. Et il faut donc savoir lire entre les lignes, voir également derrière l'utilisation parfois d'une forme féminine discrète, la présence d'une femme qui se cache. Et l'exemple de Jeanne d'Arc est le plus frappant, hein, puisque le roi ne fera rien pour soutenir Jeanne d'Arc. Alors déjà, une fois qu'il est couronné, eh bien lui, c'est tout ce qu'il voulait. Alors après, le film de Besson, le montre particulièrement cet aspect-là, hein, montre c'est le roi qui lâche véritablement Jeanne d'Arc et ne la livre pas aux Anglais, mais en tout cas il ne fait rien pour empêcher sa captivité. Donc l'exemple de Jeanne d'Arc, je pense, montre à quel point il est difficile pour les femmes quand même au Moyen-Âge d'obtenir bien un pouvoir pérenne, puisque même les reines ont une régence un temps, mais sont jamais que femme du roi avant tout. Voilà, ça c'est côté cour. Côté jardin, s'il fallait parler de la cellule familiale, de l'éducation des enfants, est-ce que les femmes ont plus de droits ou autant de droits que les hommes au Moyen-Âge, Julie Pilorger? Elles ont des droits, alors autant ou plus, c'est difficile de le qualifier car on dispose pas forcément de sources à ce propos. On peut mentionner en tout cas l'existence de nombreux traités d'éducation qui sont destinés aux femmes mais qui sont à l'usage d'hommes puisqu'ils sont écrits par des hommes et pour que les hommes les lisent et après digèrent, on va dire, l'information et la retransmettent à leurs femmes. Il y a notamment le Ménager de Paris qui est un traité d'économie domestique écrit à la fin du Moyen-Âge, par un vieux bourgeois à sa bonne épouse et qui lui donne donc de nombreux conseils quant à la façon dont ils doivent se comporter vis-à-vis de lui, mais également éduquer leurs enfants. On a également dans le même genre le livre du chevalier de la Tour Landry pour ses filles. Donc on va donner des conseils. Et on n'a pas l'inverse. Et on a un exemple, à ma connaissance, qui est un peu particulier, qui est plus ancien, c'est le traité de Duoda. Duoda, qui était une aristocrate du 9e siècle. Alors, donc là, on est sous les Carolingiens. Son mari part à la cour de Charles le Chauve en Aquitaine et donc laisse sa femme dans les fins fonds des Pyrénées, il me semble, si je me souviens bien. Et donc cette femme doit laisser partir son fils aîné, âgé d'une quinzaine d'années à peu près, mais surtout son nouveau-né, qui était encore au sein. Et donc, puisqu'elle doit vivre loin d'eux, elle va leur écrire un traité d'éducation. Et on le voit qu'elle insiste beaucoup, notamment sur l'importance pour ses deux fils, d'honorer les ancêtres, d'être aussi des hommes pieux et de respecter la religion. Donc, il semble que la femme avait un rôle d'importance pour ce qui est la question de la mémoire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup lorsqu'on utilise la question du veuvage. Les femmes ont un rôle de transmission de la mémoire. Et qu'est-ce qu'elles transmettaient comme organisation, comme idée de l'organisation de la cellule familiale entre le partage des genres, par exemple? Alors, je pense qu'elles enseignaient ce que la coutume de leur pays leur faisait enseigner. C'est-à-dire que on peut supposer effectivement qu'au nord de la France, une femme qui va prendre en apprentissage sa fille va effectivement lui donner également quelques ficelles pour mener un ménage, pour organiser après l'atelier auprès de son mari. Dans le sud de la France, où effectivement le travail des femmes est plus discret, il semble qu'on insistait surtout sur les rôles de la bonne épouse. Et au-delà de la France, à cette époque-là, comment c'était ? En Italie, Le Nouveau Monde ? Dans le Nouveau Monde, on a peu de sources écrites en fait qui nous permettent. C'est là aussi un peu où le bât blesse, c'est qu'on est tributaire des sources. Alors soit, on a beaucoup de sources, comme en Italie, l'Europe méridionale va très vite produire des sources, des actes de la pratique. Seulement, comme l'Europe du Sud est assez misogyne, elle va pas beaucoup s'intéresser aux femmes. Alors que l'Europe du Nord, qui s'intéresse plus aux femmes, n'est pas vraiment, met plus de temps à entrer dans cette culture de l'écrit. Et donc, on a là encore peu d'enseignements. Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues, une série avec la médiéviste Julie Pilorger. On se retrouve demain. Demain, on parlera du statut des femmes seules pour le quatrième épisode. Merci beaucoup. À demain. Merci, à demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Rassane Salhab, bonjour. Bonjour. Après Terre Incognita, après Le Dernier Homme, après Beyrouth Fantôme, vous continuez donc à ausculter la mémoire libanaise, une mémoire marquée par la guerre qui continue après la guerre aussi. Je rappelle que vous êtes né au Sénégal, vous avez vécu jusqu'à votre adolescence et depuis vous vivez entre Paris et Beyrouth. Dernier film donc, La Vallée, et cette fois-ci la mémoire tient le rôle principal une fois de plus, puisque le protagoniste, c'est quelqu'un qui va justement être amnésique. Enfin, il est amnésique suite à un accident de voiture. Il n'est pas amnésique comme ça, sans qu'on sache, la raison, entre guillemets, physique, elle est évidente. Il y a eu un accident de voiture. Que vous ne montrez pas, d'ailleurs. On va vivre cet accident d'une manière sonore. C'est le début du film. Cet homme, interprété d'ailleurs par Carlos Shaheen, cet homme qui va perdre sa mémoire suite à un accident qui ouvre le film, donc il est amnésique, il va être recueilli par des Libanais de la Bérard qui vont lui demander de se présenter. Et donc, on arrive au vrai problème du Liban. Comment se définir quand on est dans un pays qui peut avoir plusieurs cultures religieuses, sociales, linguistiques même? C'est-à-dire, c'est un peu l'idée de l'identité. Ça veut dire quoi, moi? Ça veut dire quoi, une identité? Qu'est-ce qu'être Libanais aujourd'hui, Rassan Salhab? Il y a une scène dans votre film, La Vallée, qui est au milieu du film et qui a toute son importance parce qu'on a l'impression que ça va être une scène légère. C'est un repas où ces gens qui ont recueilli cet homme venu d'ailleurs, qui leur ressemble pas tant que ça, dont on sait rien de lui, ni les spectateurs, mais ni les protagonistes du film qui vont le recueillir. Et là, on parle de la manière de vivre, de manger et même de faire l'amour, suivant qu'on soit maronite ou musulman, sunnite ou chiite, druze ou pas druze, laïque ou pas, ou un peu citadin ou pas. C'est-à-dire, j'ai profité du fait qu'il y a cet inconnu qui, comme vous le dites à juste titre, leur ressemble mais pas tout à fait. Et d'ailleurs, lui-même ne sait pas qui il est, entre guillemets. Et donc, il y a l'un de ces personnages qui décide de lui donner un nom, et il lui donne un nom chrétien. Il dit, moi je vois un chrétien, et les autres, ils disent, c'est n'importe quoi ton truc. Et puis, donc, on revient à ce besoin de définition. Et là, évidemment, je voulais le traiter légèrement, mais avec cette espèce de comme si on est en bordure, ça veut dire, c'est léger peut-être, mais c'est lourd aussi, parce que le Libanais ne le traite jamais légèrement, même quand il s'en moque. Parce que on sait bien qu'il y a eu des milliers de morts derrière ça. Et on sait bien qu'il y a des morts qui peuvent advenir et qui adviennent actuellement avec ce conflit sunnite-chiite. Donc, c'est tout l'art du cinéma que de pouvoir jouer de choses. Parce que les Libanais adorent se moquer. C'est un peuple très moqueur, mais souvent de l'autre, rarement de soi. Et donc, j'ai voulu jouer un peu avec ce fil où à chaque fois que ça pourrait aller vers le sérieux, une sorte de déconnade, comme on dit, advient, et puis le sérieux revient et la déconnade. Parce que c'est là, quoi. C'est un truc permanent dans ce pays. C'est une espèce de fausse identité que les uns et les autres se sont donnés, ou on leur a donné, ou veulent se défaire. C'est-à-dire être un maronite, ou être un sunnite, ou un chiite, évidemment, ou être un laïc et tout ça. Enfin, tout ça, c'est des fausses identités, car l'identité humaine est bien plus riche que ça, quoi. Mais avec tous ces conflits, tous ces morts, toutes ces frontières permanentes, visibles et invisibles, ça nous a inscrits en faux, mais ça nous a inscrits, malheureusement. Et dans cette scène, justement, puisque c'est le propos, vous essayez d'esquisser cette mosaïque, mais vraiment comme une mosaïque, en utilisant tout ce que le cinéma permet, ces fendus enchaînés qui ne sont pas des fendus enchaînés, puisqu'on voit ces mêmes personnages danser. Et du coup, la scène devient un tableau, et on pense effectivement à mosaïque. Oui, c'est pas un fendu enchaîné, effectivement, c'est ce qu'on appelle une surimpression, en fait, puisque les deux plans restent ensemble. Un fendu enchaîné, ça nous fait passer d'un plan à l'autre. Là, on ne passe pas. Les deux plans restent ensemble. Moi, je pense pas à mosaïque ou pas. Je suis pas dans le symbolique. Je suis aussi quand même un cinéaste, c'est-à-dire que je travaille l'esthétique aussi énormément. Mais une chose est claire, c'est que je travaille beaucoup l'incertain. Et l'incertain me travaille. Donc, je ne cherche pas à poser les choses. Je cherche à les troubler. Parce que je suis moi-même dans le trouble. Et vous n'êtes pas dans l'allégorie, parce que moi j'ai l'impression d'avoir apprécié ce film aussi parce qu'on passe par l'allégorie. On est peut-être. Le cinéma, c'est quand même l'art de la métaphore et l'allégorie n'est jamais loin. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé symbolique. Je suis pas dans la symbolique, mais effectivement l'allégorie, oui, inévitablement. Je veux dire, dès qu'on dit les choses directement en art, pas seulement au cinéma, pour moi ça devient un film à message, un film qui vous nous décrétez quelque chose. Alors effectivement, l'allégorie, la métaphore sont de merveilleux outils pour pouvoir ouvrir plein de choses. Alors, pour terminer, Hassan Salhab, vous dites que votre film, La Vallée, comme vos autres films, Beyrouth Fantôme, Le Dernier Homme, Terre Incognita, n'est pas un film à message. À quoi ça sert de tourner ces histoires autour de votre pays, de l'actualité permanente, j'allais dire, de ce pays, de sa culture? Si c'est pas des messages, quoi, c'est des pressentiments, c'est une manière d'exorciser vos peurs peut-être, ou de partager ces peurs et ces espoirs en même temps. C'est pas, je ne suis pas dans l'exorcisme, mais je ne suis pas dans des peurs. Enfin, c'est, évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai des peurs, des espoirs et tout ce qu'on veut. Vous savez, moi, je pense très sincèrement que le cinéma, comme tout art, j'insiste, est là pour dire ce qu'on ne voit pas et on n'entend pas. Pour le dire clair, simplement, c'est presque ce que les médias ne sauront jamais voir. Non pas que les médias sont incapables de voir, mais elles sont trop pressées. C'est l'anti-empressement. C'est un regard qu'on peut poser une écoute qu'on peut donner éventuellement. Je ne dis pas vers ce qu'est la vie, vers, parce que la vie, moi, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est dans des recoins parfois. Elle est souvent là, mais on ne la voit pas. Donc l'art pourrait voir. Alors évidemment, il y a mille manières de voir un peu tout. L'art est une vieille chose. Mais donc le cinéma pourrait me permettre de sentir et non pas de croire qu'il suffit de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre. Et alors que le monde, en fait, on pourrait facilement le comprendre, il est beaucoup moins compliqué qu'on le croit. Il est complexe, mais il n'est pas compliqué. La complexité, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments. Si on laissait les voir un à un, mais une fois de plus, il ne faut pas être pressé. Mais nous vivons dans un monde pressé. Alors l'art, c'est, pour moi, c'est une véritable résistance à cette espèce d'empressement. C'est essayer de s'arrêter un peu, de regarder un peu. Et prendre du recul ? Prendre du recul, c'est nécessaire. Un art sans recul, pour moi, ce n'est pas de l'art, c'est du... C'est de l'empressement une fois de plus. C'est croire qu'on peut ressembler à la vie. L'art, c'est pas la vie, mais ça dit beaucoup de la vie. Mais ce n'est pas une reproduction de la vie. La poésie très présente, la littérature, la photo, la mise en scène très très soignée. Mais il y a aussi la musique. Et puis peut-être avons-nous pas saisi tout à fait ce que vous avez utilisé comme comme élément des autres cultures, par exemple, pour cette poésie tout à fait présente dans votre film ? Moi, je suis très lié à la poésie et j'avais aussi envie, beaucoup, beaucoup, de rappeler le monde arabe à ce qui est un élément fondamental du monde arabe. Le monde arabe étant évidemment multiple, hein. Il n'y a pas un monde arabe, il est multiple et c'est ça sa richesse ou ses richesses. Et donc la poésie, entre autres. Alors, il y a au début du film, même le film commence, la première parole, c'est un poète libanais, qui s'appelle Wadi Asaadi, j'ai pris un extrait de... Il y a autant des soufis, il y a Fernando Pessoa même, mais tout ça traduit en arabe. Bon, moi, j'écris aussi de la poésie, j'ai même mis Rilke, mais c'est pour dire aussi, parce que la poésie dit du monde aussi, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'anti-empressement, c'est le temps d'écouter ou de voir quelque chose ou de laisser les choses entrer en nous. Il faut essayer de laisser entrer les choses, entrer. Parce que sinon, elles sont là, informatives. Moi, je ne suis pas un cinéaste informatif. Et cette manière d'être un peu peintre, tout en étant cinéaste, Hassan Salha, parce qu'à un certain moment, tout en sachant qu'on est au Liban, tout en sachant que le propos est libanais, on se croirait vraiment soit en Corse, soit en Italie, soit la vallée de la Pampa. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tous ces gens-là cessent d'être libanais pour devenir des hommes dans un monde d'aujourd'hui. Oui, oui, c'est des êtres humains. Évidemment, ça s'inscrit totalement au Liban, dans la Beka. Et a priori, que ce soit en Argentine ou, je ne sais pas, en Grèce ou en Tunisie ou même en Chine, aussi loin soit la Chine, les humains, a priori, évidemment, ont plein de différences, mais ils ont quand même plein de préoccupations communes. Quand même, quoi. Donc, oui, c'est important parce que j'ai horreur des clichés, j'ai horreur de ce qu'est soi-disant un arabe, ce qu'est soi-disant un libanais, ce qu'est soi-disant un chinois, ce qu'est soi-disant un italien. Un individu est un individu, c'est pas, il a une spécificité parce qu'il est dans un lieu, mais je sais pas, moi, vous prenez ma propre famille, mon frère, ma sœur et moi, nom de Dieu, on est vachement différents les uns des autres et pourtant on sort de la même mère, donc ça va quoi. Faut quand même, il est grand temps qu'on comprenne que les humains sont spécifiques, ils ne sont pas typiques et identique et donc identitaire. Merci Rassel Salhab. C'est moi, merci. Voilà, c'est la fin d'un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr. J'espère que vous allez passer une excellente matinée en compagnie de France Culture et j'espère surtout vous retrouver demain à la même heure.